Mes grands-parents, Catherine et Simon, ont deux enfants. Mon père Laurent et mon oncle Léon. Mes parents, Laurent et Marianne, ont trois enfants. Mon frère, ma sœur et moi.